Alors ce matin, départ à 7h. Visite du musée national, du musée de la miniature, du musée d'art déco. Visite guidée de la vieille ville, du château, des remparts. Achat de carte postale. Balade en bateau mouche est réservé pour 11h. Et pause déjeuner. Prenez votre temps, à ce prix-là vous reviendrez. Avec Transavia, repartez vers plus de 100 destinations à partir de 34€. Transavia. Prix TTC au départ de Paris, Nantes, Lyon. Offre soumise à condition. Hors frais de bagage. En soute. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Une petite pensée pour ceux qui nous écoutent au lit, allongé et qui n'arrive pas à se réveiller. Cette émission est pour vous, vous apprendrez que le Bouddha, lui, est bien éveillé et que l'éveil est en lui-même la plus haute vérité et l'ultime réalité. Bref, l'avenir appartient à ceux qui s'éveillent tôt ou tard. Mon ami, réveille-toi. Chaque jour la vie te file entre les doigts. Que veux-tu, tu vis la tête sous les draps. Réveille-toi, oh mon ami, réveille-toi. La fortune vient en dormant. On dit ça, mais si tu dors en l'attendant, ça lui donne envie d'en faire tout autant. Réveille-toi, le temps c'est de l'argent. Le temps, si tu crois qu'il t'attend, il n'en a pas le temps. Il court comme un enfant. Retiens-le, et retiens-le si tu le peux. Tu t'es fait un monde à toi qui ressemble au lendemain d'un mardi gras. Va, reprends tes rêves à la cloche de bois. Réveille-toi, oh mon ami, réveille-toi. Bonjour Alexis Lavis. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Jianmin de Pékin, en Chine. Vous êtes déjà venu à ce micro nous parler de pensée chinoise, philosophie chinoise, du confucianisme, de votre livre sur l'espace de la pensée chinoise, confucianisme, taoïsme et bouddhisme, de la conscience à l'épreuve de l'éveil, hein, c'est une lecture, commentaire et traduction du Bodhicaryavatara de Santideva aux éditions du Cerf, c'était l'an dernier, et vous revenez aujourd'hui pour conclure cette série sur le bouddhisme. On va parler d'éveil. Quelle différence entre le réveil et l'éveil? Eh bien, le mot éveil, en fait, est une métaphore aussi. Donc, Bouddha, Bodhi, c'est un vocabulaire qui signifie, effectivement, le fait de se réveiller quotidiennement. Donc, on l'utilise métaphoriquement pour pointer une sorte d'expérience de rupture, en fait, entre un état de sommeil où le réel est illusoire, comme dans le rêve, et puis une espèce de saut qui correspond un peu à l'expérience du réveil matinal, où on fait bien, dans l'expérience, une différence très profonde entre un régime d'être onirique et un régime d'être réel. Et je crois que le mot éveil est une métaphore d'une expérience fondamentale, mais finalement, le fait même de se réveiller le matin, si on fait vraiment attention à ce qui se passe, n'est pas inintéressant pour comprendre un peu le phénomène. Ça veut dire que celui qui s'éveille rompt avec une manière d'être au monde qui était de l'ordre de l'illusion et du rêve. Oui, oui, oui, tout à fait. Et il y a bien un choc du réel. Se réveiller le matin, c'est entrer dans une forme de coprésence avec tout ce qui est. C'est que tout se réveille quand on se réveille, en fait. C'est pas nous qui nous réveillons, c'est tout qui se réveille. Et on voit bien que dans le sommeil, il se passe bien des choses, mais il n'y a pas ce choc. De réalité. Il y a comme quelque chose qui tourne en rond, qui tourne à vide. Les images, il y a des sensations, il y a des sentiments dans le sommeil. Mais il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et on le sait, c'est marrant, en dormant. On sait qu'on rêve quand on dort. Ça, c'est très étrange. Est-ce que vous qualifieriez l'éveil d'une expérience ou d'un état ou d'un mode d'être? Ah, ça, c'est une grande question. Parce que, peut-être on peut revenir sur le mot Bouddha lui-même, qui est le nom, parce qu'on l'a appelé comme ça après tout, l'éveillé. Ça c'est plus simple, on peut commencer par je sais que vous avez parlé de sa vie, donc il est déterminé par cette expérience, hein, en tout cas, qui s'appelle l'éveil. Il le fait sous un arbre, il touche la terre en témoin, ce qui est intéressant aussi, de toucher la terre, vous voyez. C'est ce qui se passe quand on se réveille. Alors racontez-nous cette expérience, parce que ça on n'a pas beaucoup insisté dessus, elle est très importante. Elle est très très importante, oui, oui. Donc il part pendant plusieurs années dans une forêt, et il fait des exercices d'ascèse extrêmement intenses pour obtenir des états, justement, méditatifs, très particuliers. Il se fait souffrir lui-même, une sorte de performance de soi. Ça, c'est très intéressant, cette période qu'on appelle les 6 ans d'austérité ou les 6 ans d'ascèse du Bouddha. Il y en a des représentations où il est extrêmement maigre, on voit ses côtes, il frôle la mort. Il est dans une idée de performance. Il faut qu'il soit un super soi, un super moi. Et à un moment donné, il n'en peut plus et il lâche. Il laisse tomber d'une certaine manière. Et c'est en laissant tomber qu'il s'éveille. Il sent qu'il est allé trop loin, surtout. Et il sent qu'il récolte pas les fruits sur la boîte d'assaise. Cette idée d'être un super soi, cette idée de l'élévation à tout prix, de trouver d'une certaine manière une forme d'identité supérieure, d'être supérieur, qui soit à l'abri de tout, est une illusion, au fond. Ça marche pas. Superman, ça marche pas. C'est pas par l'assaise qu'on s'éveille. Et d'une certaine manière, oui, c'est pas. Et l'assaise, c'est une certaine manière vouloir être Superman. Vouloir se dominer complètement. Je suis plus fort que moi. Donc je suis encore plus moi que moi. Et c'est ça qu'il lâche à la fin de ses 6 ans. Et il se met sous un arbre. Et il se passe plusieurs choses, notamment des choses assez amusantes, parce que on dit qu'il s'est éveillé durant la nuit, à un moment où il était très absorbé, très concentré, et il avait mal au trapèze. Pour les gens qui méditent un peu, la douleur au trapèze, c'est quelque chose d'assez... Donc derrière les épaules. Voilà, c'est ça, c'est les muscles qui joignent le cou aux épaules. Et il arrive parfois qu'on ait les trapèzes un peu lourds. Et donc, paraît-il, il s'est légèrement massé les épaules, il a juste levé un peu les yeux et il s'est aperçu qu'il était réveillé. Et c'est assez... On peut sentir un petit peu ce qui se passe. Quelque chose enfin est. Et c'est pour ça qu'il touche la terre. Oui, ce geste de toucher la terre pour signaler l'éveil, c'est vraiment comme on peut faire « pince-moi, je ne dors pas ». Oui. Il y a quelque chose de solide. Ça y est, enfin j'ai touché terre. Enfin j'ai atterri. Et je pense que c'est une bonne manière de commencer. Donc ça répond pas exactement à la question, mais posée. Mais au moins, on a un champ d'expérience commun. Donc ensuite, on l'a appelé effectivement le Bouddha. Et là, il y a un malentendu parce qu'on pourrait croire que le Bouddha est une qualité. Par exemple, il est éveillé et en même temps, il est brun et en même temps, il est indien et en même temps, il a des pieds, des mains, il est content, pas content. Alors que, en sanskrit, qualifier comme ça un être, Bouddha, a une dimension de détermination extrêmement forte. Autrement dit, Bouddha, ça ne veut pas tant dire l'éveillé que celui qui n'est qu'éveil, qui n'est plus que ça. Autrement dit, il n'est déterminé que par l'éveil. Donc c'est pas juste, pour essayer de commencer à répondre à la question, mais on a une heure pour le faire, hein, c'est pas juste une qualité ou un adjectif. C'est pas une expérience parmi d'autres. Pour le Bouddha en tout cas. Ouais, c'est pas une expérience parmi d'autres. C'est une expérience qui révolutionne votre être même. Et à partir de laquelle, une fois qu'elle s'est produite, vous êtes de manière différente. Voilà. Il y a une rupture au fond. C'est une brèche. Mais alors, vous venez de dire, voilà, vous êtes de manière différente, et juste avant, en décrivant l'expérience de l'éveil du Bouddha, vous avez dit, enfin, quelque chose est. Et c'est toute la question, est-ce que cette chose est à l'intérieur de soi, ou est-ce que c'est une prise de conscience et de contact avec un réel en dehors de soi? Je pose cette question à dessein, parce qu'il me semble que le rapport entre celui qui fait cette expérience et ce qui est déterminant dans l'expérience de l'éveil, et même dans le bouddhisme. Oui, oui, tout à fait. Et en même temps, en réalité, la séparation de l'intérieur et de l'extérieur, la séparation du sujet et de l'objet, au fond, c'est ça le rêve. Donc on dépasse le dualisme. Ah oui, que totalement. C'est bon, on pourrait dire, qu'est-ce que c'est que l'éveil ? C'est l'expérience la plus radicale du non-dualisme, c'est-à-dire de l'absence d'extériorité du monde et de l'absence d'intériorité d'un en-soi. Il n'y a pas d'en-soi à l'intérieur. Il n'y a pas de hors-soi à l'extérieur, ou soi d'ailleurs serait le pivot de toute la réalité. Tout ça sont des fabrications. D'ailleurs, c'est comme ça que le Bouddha l'appelle. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on appelle souvent l'éveil, la bodhi, le non-fabriqué. Le non-artificiel, à samskrita. Oui. Et effectivement, l'expérience fabriquée, c'est l'expérience duelle. J'ai un objet face à moi que je détermine intérieurement comme étant ceci, cela. Et ça, on qualifie souvent la pensée occidentale de dualiste. Est-ce que c'était vrai aussi en Inde, dans les pays où le Bouddha serait né, aurait vécu? Et est-ce qu'il aurait là-bas aussi apporté cette révolution? Comme si le dualisme était une forme de préhistoire de la pensée, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, non, ça dépend comment on prend la chose. Parce que, après tout, être conscient d'eux, c'est s'installer, qu'on en avait parlé au mois de juin, lorsqu'on avait parlé de la différence entre conscience et éveil. Être conscient d'eux, c'est s'installer d'emblée dans un dualisme. Puisque vous savez qu'un objet, c'est ce qui fait face à une conscience. Qui se vit comme un sujet, face à un objet. Ça, c'est le travail de Husserl, en Europe, dans la philosophie. Travail de Husserl, qu'il a fait juste une cartographie de ce que signifie être conscient. Mais ça n'est pas une théorie, c'est vraiment une cartographie. Il a regardé l'expérience consciente au microscope, on pourrait dire. Et effectivement, d'où le fait qu'il suspende, Husserl, la position métaphysique d'une réalité du monde extérieur. Parce que c'est pas son problème que le monde extérieur existe. C'est qu'est-ce qui se passe quand on a conscience de la bouteille, par exemple, qui est à côté de moi. Mmh. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a toute une fabrication. C'est pas gratuit, être conscient. Donc ça, on pourrait dire, c'est un état mental fondamental de l'être humain. Après, sur ça, on peut fonder une éthique, on peut fonder une pensée, on peut fonder une manière de vivre, une manière de se comporter, de dormir, de manger. C'est-à-dire, c'est un état mental à partir duquel on peut construire une philosophie et une vie, et une politique même. Or, dans le bouddhisme, cet état mental-là est dépassé, est rompu, même d'une certaine manière, et à partir de lui, on peut créer une éthique, une politique, une manière de connaître, des choses comme ça, oui. Mais qu'est-ce qui est éveillé s'il n'y a plus de conscience ? Il peut y avoir de la conscience, mais on sait déjà qu'il y a de l'infraconscient. Par exemple, si on vous chatouille le nez quand vous dormez, vous remuez le nez, c'est infraconscient, vous n'avez pas conscience, mais pourtant vous réagissez. Ben on pourrait supposer qu'il y a du supraconscient. C'est-à-dire, pour essayer de reprendre des catégories un peu anciennes, qu'il y avait chez Guénon, par exemple, chez des personnes comme ça, où il parlait effectivement de l'infraconscient, du conscient et du supraconscient. Autrement dit, l'intérêt pour ça, c'est simplement de dire que être conscient, c'est pas un état ultime et absolu. C'est un état cognitif particulier. Et il y en a d'autres. On pourrait penser qu'il y ait d'autres états cognitifs que l'état conscient. Remettre la conscience à sa place. Voilà. Quand le Bouddha est devenu le Bouddha, il a atteint l'éveil. C'est comme une flamme qui s'éteint. Et quand une flamme s'éteint, où va-t-elle? On ne sait pas. Si elle va en haut, en bas, à gauche ou à droite, elle n'est plus, elle est éteinte. Donc l'éveil est comme une flamme qui s'éteint. Voilà pourquoi nous l'appelons Nirvana. Vana en pali signifie désir. C'est comme l'extinction du désir, comme la cessation complète du désir. Complète. Où va la flamme? Nul ne le sait. On tente de définir l'éveil sur France Culture, les chemins de la philosophie, dans le cadre de cette série d'émissions sur le bouddhisme, avec cet extrait de La vie de Bouddha, le documentaire de Martin Messonnier qui date de 2003. On entend ici Ravendra Pant, le moine, qui parle de l'éveil, du nirvana, et qui définit, Alexis Lavis, l'éveil comme étant une flamme qui s'éteint. Ce qui est pour nos cerveaux occidentaux assez paradoxal. On imagine l'éveil comme la lumière qui se fait, non pas une flamme qui s'éteint. Et on a bien raison. En réalité, il la définit pas comme une flamme qui s'éteint, puisque le mot nirvana signifie extinction. Donc, en fait, il fait juste que traduire le mot nirvana. Et la grande question, c'est de savoir si le nirvana, qui est bien l'extinction d'une forme de mal-être fondamentale, est l'éveil. Et c'est là que va se diviser, d'une certaine manière, les deux grands courants fondamentaux du bouddhisme, que sont le petit véhicule, ce qui est appelé comme ça, et le grand véhicule. Et dans la perspective qu'on a entendue là, qui est très, fidèle à la perspective du petit véhicule, effectivement, la voie mène à l'éveil, et l'éveil est compris comme cessation, comme arrêt d'un mode d'être dualiste, ou d'un mode d'être pathologique, d'un mode d'être illusoire. Autrement dit, on pratique, on chemine pour en finir. Pour le dire un peu grossièrement, on arrête les conneries. Mmh. C'est vraiment la perspective fondamentale de l'éveil comprise comme nirvana. Nirvana, encore une fois, je le dis, c'est quelque chose comme en finir avec, éteindre. Éteindre les choses. C'est un état. C'est pas un lieu, le nirvana. Est-ce que quand vous éteignez les lampes, c'est un état? C'est compliqué. Oui, il fait noir, si vous voulez, mais c'est une rupture, encore une fois, mais une rupture définitive. En finir avec un mode d'être, voilà. Et donc ce mode d'être disparaît. Celui de la souffrance. Celui qui cause le mal-être, voilà. Bon, la question, quel est le contenu de l'éveil? À quoi s'éveille-t-on? Il y a deux propositions dans le bouddhisme ancien. La première, c'est une phrase qu'a dit le Bouddha au moment de s'éveiller. Il a dit « anatman », c'est-à-dire « non-soi ». Non-soi. Il n'y a pas de moi. Donc autrement dit, il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas d'extériorité, il n'y a plus de conscience aussi, il y a autre chose. Voilà. Et après, il a dit pratitya samutpada, c'est un mot un petit peu compliqué, c'est-à-dire concaténation de la réalité. Tout est concaténé, tout avec tout. Autrement dit, il y a une sorte de processus. La réalité est processuel. Oui, processuel. Et autrement dit, il n'y a pas d'identité fixe. Il n'y a pas de substance fixe. Tout est corrélatif, corrélé. Voilà. Et donc ça, on pourrait dire, voilà, on s'éveille à ça. En tout cas, c'est ce qui est dit. Mais effectivement, la grande question, c'est est-ce que l'éveil est un point final ou est-ce que l'éveil est un point de départ ? Et effectivement, comme vous le disiez, on a plutôt l'impression, quand on se réveille, que la journée commence. Mmh. Et c'est là que va intervenir le grand véhicule. Le grand véhicule, notamment un texte important qui s'appelle par exemple le Sutra du Lotus, qui est, on pourrait dire... dont on va entendre un extrait. Oui. Effectivement, le baptême, on pourrait dire, du grand véhicule, où il est dit, oui, que l'éveil est l'espace à partir duquel une nouvelle aventure se crée, pour un nouvel type d'être qui s'appelle le Bodhisattva, celui qui est entièrement, c'est l'être d'éveil, celui qui est né ou qui est voué à l'éveil, et qui, lui, va cheminer dans l'existence, va pérégriner, va errer dans l'existence. Donc pour le petit véhicule, c'est un point d'arrêt, pour le grand véhicule, un point de départ, oui. L'éveil. Dites-nous, ou redites-nous, la différence entre petit véhicule et grand véhicule, parce que c'est pas du tout intuitif. Alors, cette différence-là entre petit et grand, elle a été faite par le grand véhicule. Par le grand, c'est ça, c'est un peu du mépris d'appeler l'autre le petit véhicule. Ça vient moi je suis plutôt sensible au grand véhicule, donc je trouve pas que ça soit particulièrement du mépris, je trouve ça même plutôt justifié. Mais oui, donc c'est ça. Non mais bon, voilà. Donc pourquoi véhicule et à quoi renvoient ces deux termes, ces deux expressions? Elle renvoie historiquement, on pourrait dire, voilà, historiquement, les écoles du petit véhicule, c'est les écoles du bouddhisme ancien, dont la langue était plutôt le pali, mais une certaine partie le sanskrit, et effectivement qui faisait fond sur, disons, l'idée que la voie était de mener à un au-delà des peines, en dépassant, par exemple, l'attachement viscéral au moi, en dépassant aussi une sorte de manière de se crisper sur le réel, de fantasmer le réel, et donc de proposer vraiment une sorte de détente très réelle qui s'appelle nirvana, c'est-à-dire on lâche. Lâche, voilà. Et ça, c'est la voie, effectivement, qui est une voie tout à fait digne du petit véhicule, qui est petit au sens de l'étroit, au sens d'étroit, c'est-à-dire de très précis. On travaille sur soi et on travaille au scalpel, son esprit, chaque point est passé à l'analyse, et on est présent à soi de manière absolument étonnante. Voilà. Et on déverrouille point par point les nœuds de notre existence. On est à soi-même son propre champ d'investigation. Donc, c'est à la fois totalement inouï de précision, c'est ça, parce que étroit, c'est précis aussi. Mais effectivement, la perspective est un peu limitée, on peut le reconnaître. Par rapport au grand véhicule. Et oui, et le grand véhicule se dit, mais pourquoi... Donc, historiquement plus tard, en fait, c'est ça? Alors ça, oui, encore une fois, l'histoire chronologique est assez pauvrement pensante. On peut penser qu'en réalité, le Mahayana, il est co-présent. Mahayana, c'est grand véhicule. Oui, le grand véhicule est co-présent dès l'origine même du bouddhisme. Et tout comme, par exemple, effectivement, les interprétations d'un philosophe sont co-présentes dans sa philosophie. Et elles se déploient après à la mesure des circonstances et des accidents. Donc le Mahayana, moi je le pense tout à fait co-présent à l'enseignement du Bouddha. Et après, au fur et à mesure des possibilités historiques qui étaient données, ça s'est développé plus ou moins. Mais la perspective mahayanique, effectivement, me semble être, moi, pour moi, la plus fidèle. C'est-à-dire, effectivement, que la bodhi, l'éveil, est l'espace à partir duquel tout un champ d'expérience est possible. Et, Donc, en quoi est-ce plus large que l'étroitesse du petit véhicule? Parce que dans le petit véhicule, l'extinction est un état de la personne. Mm-hmm. Alors que dans le grand véhicule, c'est une réalité à laquelle on est plus ou moins fidèle, et qu'on découvre plus ou moins. Autrement dit, le pratiquant du grand véhicule est un navigateur au long cours qui navigue sur l'éveil et qui en déploie infiniment tous les aspects. Et après, on pourra parler de politique éveillée. Oui, c'est ça, c'est le corollaire. Oui. Si on élargit d'éthique éveillée à autre chose qu'à soi, alors... Une politique sans doute est possible. Et par exemple, quand vous regardez, si vous êtes sensibilisé à ça, et ben vous pouvez voir dans l'art, par exemple, notamment l'art bouddhique, et bien vous pouvez voir les artistes qui sont sensibles à cette dimension-là, et effectivement chez qui les statuaires, par exemple, ont une présence très étrange, et des artistes qui font des bouddhas, mais qui ne sont pas du tout sensibles à cette dimension-là, et c'est kitsch. Et pourquoi ? Parce que, précisément, il y en a un qui sculpte à partir d'une dimension d'être qu'il a reconnue, et à laquelle il est fidèle, et un autre qui fait une image. Et ça, cette différence-là, oui, C'est ce que pointe le Mahayana. Il est possible de mener sa vie en éveillé. On va essayer de continuer sur cette voie, en tout cas, en écoutant un texte, un extrait du Sutra du Lotus. Peut-être voulez-vous nous le présenter, ce Sutra du Lotus, avant qu'on entende l'extrait. Ah oui, c'est un texte très très important, l'un des plus importants. Et il est effectivement le... Alors, il se passe beaucoup de choses, il y a plein de paraboles. Et il est question de Ekayana. Eka, ça veut dire un en sanskrit, donc de la... Yana, ça veut dire le véhicule, vraiment la charrette, quoi. Le moyen de transport. Et c'est la découverte qu'il est, qu'en fait, on peut penser que le bouddhisme s'était développé en énormément d'écoles, énormément de possibilités interprétatives, et il y a cette espèce de rappel, dans le Sutra du Lotus, que la voie est fondamentalement une, qu'en réalité, c'est le même qui est toujours en question. Et ce même-là, il va enfin prendre le véritable nom de Bodhi. Et dans ce Sutra du Lotus, il y a un petit passage qui est très explicite et qui dit... C'est le Bouddha qui parle à la première personne et qui dit « Je n'enseigne pas le nirvana en tant que je suis le Bouddha. En tant que je suis le Bouddha, je n'enseigne que la Bodhi. » Autrement dit, on l'éveil. S'aperçoit que, que l'éveil. Et donc, autrement dit, la voie du nirvana, la voie de l'au-delà des peines, est une sorte de pis-aller. C'est ce qu'il explique textuellement. C'est-à-dire, Dans l'extrait qu'on va entendre, il s'adresse à son disciple, élève, je ne sais pas quel vocable employer, qui s'appelle Sariputra. Écoutez. « Oh, Sariputra, l'éveillé eut cette pensée. Je suis le père des êtres, et je me dois d'extirper leurs souffrances, leur donner la félicité de la sagesse infinie et incommensurable de l'éveillé, afin de les distraire. Oh, Sariputra, l'ainsi venu eut encore cette pensée. Si je me contente d'avoir recours aux pouvoirs extraordinaires et aux pouvoirs de la sagesse, en renonçant aux expédients et en faisant devant les êtres l'éloge du savoir et de la vision de l'ainsi venu, de sa puissance et de son assurance, les êtres seront incapables d'obtenir le salut de cette façon. Pourquoi cela? Ces êtres n'ont pas encore échappé à la naissance, vieillesse, maladie, mort ou chagrin et à l'affliction. Ils brûlent dans la maison en flammes des trois mondes. Comment pourrait-il comprendre la sagesse de l'éveillé? S'il est des êtres qui, entendant la loi de l'éveillé vénéré du monde, la reçoivent avec foi et se mettent en quête, avec diligence et énergie, de l'omniscience, de la sagesse d'éveillé, de la sagesse naturelle, de la sagesse sans maître, du savoir et de la vision, des forces et de l'assurance d'ainsi venu, et que... apitoyés par les innombrables êtres et voulant leur bien-être, ils dispensent leurs bienfaits aux dieux et aux hommes et les délivrent tous tant qu'ils sont, ceci constitue le grand véhicule. Tout ce que vous avez dit depuis le début de cette émission, Alexis Lavis, est fécond pour une pensée qui viendrait s'intéresser au bouddhisme de manière philosophique. On a dit que ça dépassait le dualisme, qu'il y avait une interrogation sur le réel qui venait comme un choc au moment de l'éveil. On a parlé de Husserl, donc il y a bien une lecture qui serait quasiment phénoménologique de l'expérience décrite par l'expérience elle-même de la pratique bouddhiste. Dans ce texte que l'on vient d'entendre, si on le lit précisément, minutieusement, comme le petit véhicule, on trouve des termes qui semblent être beaucoup plus du côté de la religion, voire même de la religion catholique, que de la philosophie. Je suis le père des êtres, et je me dois d'extirper leurs souffrances. Les êtres sont incapables d'obtenir le salut de cette façon, et enfin, ils la reçoivent avec foi et se mettent en quête avec diligence et énergie de l'omniscience, de la sagesse éveillée. Le père, le salut, la foi, on est plus du côté de la religion même chrétienne que du bouddhisme, non? On est peut-être aussi face à un problème de traduction. Ce qui n'est pas impossible aussi. Traduction de Jean-Noël Robert. Parce qu'effectivement, le salut, il n'y a pas de salut dans le bouddhisme. Puisqu'il y a pas de... C'est très grave ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'on a, y a des contresens faramineux dans les textes qu'on étudie. J'en suis désolé, le premier, mais il suffit de regarder les faits. Si vous voulez, le bouddhisme est une voie non théiste, fondamentalement non théiste. Elle a été d'ailleurs assez détestée pour ça, c'est-à-dire dans le bouddhisme on n'est pas sauvé et ça passe pas par la médiation d'un dieu. Le bouddhisme admet totalement l'existence des dieux, ça lui pose pas de problème. Mais le dieu n'est pas médiateur de salvation. C'est vraiment presque, on pourrait dire, un dogme du bouddhisme. Il est tout seul sous son arbre, les fesses posées par terre, et il touche la terre. Si vous voulez, il se passe rien. En tout cas, personne n'arrive pour le sauver. Donc comment parler de salut ? Et nous, effectivement, alors on pourrait dire oui, mais il y a une sorte de salut par soi-même. Ben oui. Non, parce qu'il dit anatman, non-soi. Donc c'est pas, on se sauve pas soi non plus. Non, oui, mais si le but de l'éveil est de mettre fin à certains états de fait, notamment au cycle des réincarnations qui pèsent sur l'existence humaine, que l'on parle de soi ou pas, il y a quand même une forme, alors peut-être pas de salut, mais de sortie hors de quelque chose. Oui, mais encore une fois... Peut-être que le terme de salut ici est fait pour s'adresser à des gens de culture occidentale. Oui, puis la réincarnation est une parole mythique, c'est la parole du mythe. Au sens grec du terme, hein, c'est-à-dire c'est une manière d'exprimer des choses extrêmement originelles liées à l'expérience humaine par des images qui sont belles et à la hauteur de la grandeur des choses. Oui. Donc c'est très difficile d'entendre le mythe, la parole mythique, c'est-à-dire comment interpréter la parole mythique. Est-ce que c'est symbolique? À quel moment c'est symbolique? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la réincarnation, c'est quelque chose de très compliqué à comprendre, c'est très indien, c'est le mythe indien. En plus, le mot réincarnation n'est pas très juste, c'est vraiment les renaissances. Donc c'est une manière de dire, pour nous qui ne sommes pas réincarnationnistes chez nous, en finir avec quelque chose qui ne cesse d'être reconduit. L'illusion se reconduit, se reconduit, se reconduit. On peut faire tous les efforts qu'on veut, même l'effort participe de l'enfermement. Et on connaît ce phénomène-là, c'est un phénomène très intéressant, ce qu'on appelle la crise. La crise, plus on veut en sortir, plus on s'enfonce dedans. On avait parlé de Palo Alto, vous vous souvenez des psychologues de Palo Alto qui ont très bien vu ça. C'est-à-dire que plus vous cherchez de solution, plus en fait c'est la solution qui est le problème. C'est ce qu'a fait d'ailleurs, c'est ce qu'a expérimenté le Bouddha pendant ses 6 ans. Il veut s'en sortir, il veut absolument s'en sortir. Il a vu des gens souffrir, il a vu la mort, il a vu le côté tragique de l'existence humaine. Il veut absolument s'en sortir. Et plus il veut s'en sortir, plus il s'enfonce. Et à un moment donné, il cesse de vouloir s'en sortir. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant dans le geste bouddhique. On pourrait dire, c'est ça qui fait l'originalité du bouddhisme. C'est une voie où l'on ne cherche pas à s'en sortir. Mais on cherche quand même, si j'ai bien compris le texte, malgré la traduction sans doute inexacte, à alléger les peines. Il me semble que dans le texte, c'est l'idée qu'il faut aussi alléger les peines de ceux qui souffrent, et pas que les siennes. C'est-à-dire que si le soi n'a plus de sens, dans le grand véhicule, comme vous dites, il faut élargir l'attention à autre chose qu'à l'étroitesse de son esprit, même si on le fait avec minutie, alors il y a quand même un souci de rendre efficace peut-être ce qui est fait dans le bouddhisme auprès des autres, pour les autres. Alors attention aussi, parce que si la perspective, pour employer des termes techniques, égologique, est suspendue dans le bouddhisme, c'est bien vraiment, on va parler un peu... Donc égologique, c'est le discours sur soi, de l'ego, du jeu. C'est le jeu comme point de vue, c'est le jeu comme sujet, c'est-à-dire fondement de l'expérience. Tout se ramène à moi, et tout part de moi. C'est ça l'égologie. L'égologie, c'est le régime de l'existence le plus commun. Donc c'est un mot très technique pour désigner quelque chose de tout à fait banal. J'aime les glaces, c'est une phrase égologique, par exemple. Et donc, cette suspension de l'égologie, du coup, rend difficile l'idée que je vais sauver autrui, car autrui, c'est l'alter ego. Oui, autrui, c'est forcément un autre jeu qui me fait face. Donc, du coup, on pourrait dire que le bouddhisme, même du grand véhicule, n'est pas charitable au sens chrétien du terme, où précisément, on a affaire à une personne et on sauve des personnes. Donc, pour comprendre cette ouverture propre au Mahayana, il faudrait comprendre plutôt l'idée du commun, que nous avons quelque chose en commun, et que c'est ce commun-là qui nous intéresse, et que ce commun, ça va s'appeler l'éveil aussi. C'est-à-dire, nous sommes tous, originellement, ensemble, ou en commun, dans une dimension éveillée. Et il s'agit, précisément, d'activer cela. Ah, ce que vous dites, c'est que nous sommes tous potentiellement éveillés. Pas au sens d'Aristote, parce qu'Aristote, vous savez, on a une capacité et on l'actualise. Mais encore une fois, l'éveil n'est pas une capacité. C'est pas une graine qui peut germer. Non, par exemple, imaginez que on est ensemble, je sais pas, à Athènes, et que vous ne le sachiez pas, et que je fais plein de choses, et puis à un moment donné, vous vous rendez compte que nous sommes ensemble à Athènes. Vous actualisez pas la potentialité Athènes. Vous reconnaissez une situation dans laquelle vous êtes, fondamentalement. Ben, c'est plutôt ça, l'image, vous voyez. Donc, l'éveil n'est pas une puissance que nous aurions en nous-mêmes, et par un certain nombre d'exercices et d'entraînements, on actualiserait, selon la logique aristotélicienne, le passage de la puissance à l'acte. Donc, nous y sommes déjà, mais nous ne le savons pas. Exactement. Et d'une certaine manière, c'est marrant, ça me fait penser à un passage d'Être étant, à un moment donné. De Heidegger? D'Heidegger, oui, tout à fait. À un moment donné, Heidegger parle d'ouverture, alors on traduit par ouvertude, ce qui est bizarre, mais faute de mieux. Pourquoi on traduit? Donc, c'est, je crois que c'est Entschlossenheit, quelque chose comme ça, en allemand. Et pourquoi on traduit par ouvertude? Parce que ouvert, ça s'oppose à fermé. Or, ce que veut dire Heidegger, c'est qu'il existe une dimension plus fondamentale, ce qui fait qu'on peut être ouvert à l'ouverture ou fermé à l'ouverture. Ben, d'une certaine manière, l'éveil, c'est un peu de cet ordre-là. Il y aurait une dimension éveillée que nous aurions tous en commun, mais on peut être ouvert à cette dimension-là ou fermé à cette dimension-là. La voie étant de nous y ouvrir, c'est-à-dire d'entrer dans une forme de fidélité, de reconnaissance de cette dimension-là. Voilà. Mais ça veut dire que nous sommes tous des Bouddhas en puissance, même si non, nous sommes tous des Bouddhas. Nous sommes tous des Bouddhas. Point. Voilà. Et on a un rapport problématique. J'en vois qu'ils sont heureux derrière la vitre. Hein. C'est la bonne nouvelle ils ont du raison. Jour. Mais effectivement, le problème, c'est le rapport en fait qu'on a à ça, de fidélité, de reconnaissance. Oui. Mais c'est comme s'apercevoir qu'on est bipède et se mettre à marcher, si vous voulez. Oui, mais est-ce que c'est pas paradoxal avec le souci de ne pas être quelqu'un, de ne pas être soi, de reconnaître une réalité sans cesse changeante, faite de contradictions qu'on n'essaye pas d'unifier, qu'on n'essaye pas non plus de ranger dans des catégories, dire que nous sommes tous des Bouddhas et que l'éveil est quelque chose qu'il a, que nous avons à reconnaître, présuppose qu'il y a un état de fait qui lui est quasiment fixe, qui est l'éveil. Tout à fait. C'est la seule réalité. Et l'éveil n'est pas fait de transformation. Non, bah non, c'est la transformation, c'est le chemin à suivre pour y arriver. Tout à fait. C'est la réalité pour être. C'est le jeu des rapports, on pourrait dire, et c'est le jeu des reflets. Un côté peut-être un peu leibnizien, on pourrait voir quelque chose de monadologique, c'est-à-dire même si la monade est le sommet de l'identité, mais on pourrait dire effectivement que l'ensemble des problèmes sont en fait des jeux relationnels vis-à-vis de cette dimension-là, qui elle reste inchangée. En fait, les bouddhistes sont assez clairs, hein. Ils disent l'éveil, c'est le réel. Et tout le reste, c'est un jeu autour de cette réalité. D'ailleurs, le nom de la vie du Bouddha, le nom sanskrit de la vie du Bouddha, ça s'appelle le déploiement du jeu. J-E. Non, du jeu, le J-E-U. Ah oui, parce que le jeu a été congédié depuis bien longtemps. Non, mais même le jeu est un jeu. C'est-à-dire, c'est une manière d'être, de dealer, on pourrait dire, avec cette dimension-là. Mais là, on est très très proche de la psychanalyse. Il y a des points de contact, oui, bien sûr. Mais sauf que c'est la finalité n'est pas du tout la même. Mais, c'est une libération des souffrances. Oui, mais par l'idée de faire remonter à la conscience. Autrement dit, ou l'idée que l'être conscient est l'être ultime. Or, précisément, pour les bouddhistes, c'est l'inverse. L'être conscient, c'est plutôt le problème. C'est-à-dire, c'est le mode de relation à l'éveil qui est un mode de relation à l'éveil, quand même. Mais qui est plutôt lourd. Et qui est plutôt générateur de contradictions. Voilà. Mais après tout, pourquoi pas? On va écouter un récit d'un chemin vers l'éveil. C'est le narrateur d'un roman de Hermann Hesse, 1922. Le roman s'appelle Siddhartha, c'est le même nom que le Bouddha. Ici, c'est pas le Bouddha lui-même, il raconte justement comment il a voulu l'imiter et comment ça n'a pas bien fonctionné pour lui. Quelle drôle d'existence que la mienne. Quand j'étais petit garçon, je ne m'occupais que des dieux et des sacrifices. Jeune homme, je ne songeais qu'aux exercices spirituels, à la réflexion et aux méditations. Je cherchais Brahma et je vénérais l'Éternel dans Atman. Un peu plus tard, je me joignis aux moines pénitents vivant dans la forêt, souffrant de la chaleur et du froid. J'appris à jeûner et à tuer lentement mon corps. Ensuite, ce fut la connaissance qui se manifesta à moi d'une façon si miraculeuse par la doctrine du grand Bouddha et la science de l'unité du monde que je m'assimilai au point de l'identifier avec moi-même. Mais j'ai dû aussi m'éloigner de cette science comme je me suis éloigné de Bouddha. Je gagnai de l'argent, je le gaspillai. J'appris à faire bonne chère et à flatter mes sens. J'employais des années à me gâter l'esprit, à désapprendre l'art de penser, à oublier l'unité. Ne dirait-on pas que peu à peu, et par un long détour, je me suis évertué à faire de l'homme que j'étais, du penseur, un enfant? Il m'a fallu vivre dans le désespoir, m'avilir jusqu'à la plus lâche des pensées, celle du suicide, pour obtenir mon pardon, entendre de nouveau Oum, goûter le vrai sommeil et le véritable réveil. Le véritable réveil, il y a bien réveil et non pas éveil. Donc dans ce texte magnifique extrait de Siddhartha d'Hermann Hesse par un lecteur dont nous ne connaissons pas le nom, alors l'appel est lancé, si vous le reconnaissez, on a tous l'impression de le reconnaître et on ne connaît pas son nom. Alexis Lavie, ce récit est bouleversant parce qu'il est fait à la première personne et parce qu'il relate chaque étape de ce chemin qui le conduit vers le réveil. Vous connaissez ce roman ? Oui, bien sûr, ça a été un roman important dans mon existence. Je l'ai lu jeune, je l'ai relu. D'ailleurs, je me souviens, l'une des dernières fois que je l'ai lu, j'étais encore étudiant, j'étais en Autriche. C'est bon, c'est une anecdote absurde, mais... Et je me souviens bien de ce passage, surtout que c'est un passage qui clôt toutes les pérégrinations de ce Siddhartha, qui n'est pas le Bouddha, même si... Il porte le même nom. Hermann Hesse a été totalement nourri de toute la littérature de l'Advaita Vedanta, donc du non-dualisme de Shankara, plus du bouddhisme. Et ce qu'il veut faire, c'est une sorte de synthèse, c'est-à-dire une synthèse de... C'est marrant parce que c'est exactement ça le jeu dont je vous parle. Et la vie, si vous voulez voir ce que c'est que le jeu... J-E-U, mais c'est la vie que décrit Hermann Hesse, la vie de son Siddhartha qui passe par les hauts, qui passe par les bas, qui s'énerve, qui passe par des états méditatifs où il fait des tripes formidables, il se prend pour le roi du monde, puis après il redescend, il est le plus misérable. Et à un moment donné, encore une fois, qui est ce passage-là, il laisse tomber. Et quelque chose enfin peut apparaître. Et c'est ça. Il y a quand même l'idée qu'il y a une forme de renoncement qui précède l'atteinte de l'éveil. Alors c'est intéressant le mot renoncement, parce que en sanskrit, ça peut vouloir dire renoncer, mais renoncer c'est revenir sur sa parole. C'est ça que ça veut dire techniquement. Alors qu'en réalité, si vous regardez bien le mot sanskrit que l'on traduit par renoncement, vous avez plutôt l'idée de la pudeur, ou même d'un vieux mot français, la vergogne. C'est-à-dire la capacité à se mettre un peu en retrait, pour laisser la chose apparaître. Vous voyez, quelqu'un qui n'arrête pas de parler dans une conversation, qui capte toute la possibilité d'attention, qui manque de vergogne. Et on va lui demander soit un peu plus en retrait, pour justement voir ce qui se passe. Et d'une certaine manière, dans ce renoncement ultime qui apparaît dans le roman de Hesse, c'est pas un renoncement, puisque au fond, il lui est tout arrivé. Il a plus besoin de renoncer. Juste, il laisse la place, enfin, pour quelque chose, voilà. Il laisse être. Et c'est ça que ça veut dire, renoncer, plutôt laisser être. Où la route que je suis me conduira-t-elle? N'est-elle pas absurde, cette route? Ne me mène-t-elle pas en courbe, peut-être même en cercle? Qu'elle soit comme elle voudra, je la suivrai. Il y a quand même cette idée d'une route à suivre. Alexis Lavis, on parle de la voie aussi, on a parlé de la voie du milieu. Quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cette métaphore de la route à suivre? Pourquoi une fois qu'on lâche, eh bien, on avance sur la route? Ah ben ça s'appelle l'existence. Ça, c'est ça l'existence. L'existence, c'est la modalité d'être tout à fait unique qui s'appelle être humain. Là, nous, on est dans ça. Nous, on doit cheminer. Par exemple, on le sait tous, hein, on ne naît pas complètement être humain. Il faut toute une vie pour être humain. Autrement dit, ce que nous sommes en propre, on a toute une vie pour l'être. On a à l'être. Ben, c'est ça le chemin. Un chat, vous avez déjà vu un chat qui manquait de félinité? Alors que des hommes qui manquent d'humanité, on en voit beaucoup. Oui. Et bien, cette distance par rapport à son propre être, c'est ça qui s'appelle l'existence, et c'est ça qu'on a appelé la voie, le chemin, c'est-à-dire l'avoir à être soi. Donc l'éveillé serait celui qui est attentif à sa propre humanité? D'une certaine manière, c'est celui qui est... on pourrait dire c'est celui qui l'éveillé, c'est celui qui est arrivé au terme du chemin, pour ça, pour le coup, d'un point de vue véritablement on pourrait dire orthodoxe, voilà. Dans le petit véhicule, c'est-à-dire voilà, l'éveillé c'est celui qui arrive en bout de course, et dans le grand véhicule on va dire mais le bout de course c'est tellement triste, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et si l'on pensait quelque chose de totalement fou? Ça, c'est un mot bouddhiste qu'on trouve dans un des grands sutras qui s'appelle le sutra de Prajnaparamita. Bon, c'est difficile à traduire, donc je le laisse en sanskrit. Et où il est dit que, au fond, la dimension essentielle, c'est aniketu. Et aniketu, en sanskrit, ça veut dire sans domicile fixe. C'est-à-dire sans point d'arrivée, mais non plus sans point de départ. Et on s'aperçoit en réalité que le chemin, c'est vachement bien dès lors qu'on n'a nulle part où aller. Et qu'on part de nulle part. Autrement dit, c'est juste mettre en route. Juste approfondir l'existence dans ce qu'elle a de cheminante, sans vouloir arriver à terme. Et c'est pour ça, précisément, que dans le Mahayana, dans le grand véhicule, la bodhi, donc l'éveil, va devenir océan, c'est-à-dire précisément l'espace où l'on ne voit pas la rive. La mer, vous savez, la différence entre la mer et l'océan, c'est que la mer, c'est une étendue d'eau où l'on voit les côtes. Eh bien, dans l'océan, on ne voit plus les côtes. Autrement dit, il n'y a plus de terme, il n'y a plus de point d'arrivée, il n'y a plus de point de départ. Et c'est ça le point. Et pourtant, c'est dynamique. Vous voyez, sur l'océan, vous ne pouvez pas dormir. Hein. Mmh. Eh bien, c'est ça qu'a découvert, on pourrait dire, le grand véhicule, cette dimension, cette unité parfaite entre le cheminement et l'éveil, et où l'éveil n'est pas le point d'arrivée du cheminement, mais le cheminement lui-même. Et accepter que nous tanguons sur cet océan. Exactement, on accepte. Et on s'aperçoit que c'est ça, le point. Donc il y a une forme, alors je parlais de renoncement, c'est presque d'acquiescement en réalité. Mm. C'est de dire oui à ce qui est. À exister. De dire oui à exister. Parce que pour nous, ce qui est, c'est exister. L'être humain existe. Accepter que nous sommes en vie et que nous n'avons pas le choix. C'est plus qu'être en vie, parce que la vie est... Quelle différence entre la vie et l'existence ? Pour nous, en un sens, il n'y en a pas, parce que l'être humain, il est en vie en tant qu'il est un existant. Mais je me méfie souvent un peu des philosophies de la vie, parce que la vie est une notion beaucoup trop ample. Vous voyez, on a une plante verte en face de nous, elle est en vie également, mais sa puissance d'existence ne me semble pas si formidable que ça. Dans un studio sans fenêtre, c'est sûr qu'elle n'a pas... Et pourtant, moi, je trouve qu'elle s'en sort bien. Espérance de vie, ouais, je pense qu'elle est assez jeune. Mais vous voyez, la vie est quelque chose de beaucoup trop ample pour voir ce qui nous intéresse ici. Ficus Benjamina, il est en vie, mais il n'a pas, à proprement parler, une voix. Et nous, on a une voix. On a, ouais, pour nous, être et être en vie, encore une fois, genre on revient aux mêmes choses, c'est être en chemin. Et c'est ça la vérité de notre existence. Donc on a beau se défaire du soi, on ne se défait pas du rapport humain à notre existence. Ah, c'est pas une réflexion sur l'être en général, c'est une réflexion sur l'être de l'homme. C'est pas non plus anthropologique au sens où ça serait l'être humain qui déterminerait l'éveil. Non, c'est l'éveil qui va déterminer quelque chose comme un régime d'humanité réel. Donc il faudrait pas anthropologiser l'éveil. C'est plutôt il faudrait plutôt éveiller l'anthropologie. Voilà, si on fait pas cette erreur là de réduire tout à l'anthropologie, mais au contraire d'ouvrir l'anthropologie à l'existence, alors oui, c'est tout à fait bon, ça. Je vous pose la question parce que c'est en ces termes que Heidegger décrit sa propre philosophie. Je vous propose qu'on l'écoute. Il est rare qu'on convoque Heidegger pour éclaircir les choses. On va essayer, voici comment il parle du rapport entre l'être et l'être de l'homme. Et vous nous direz s'il y a quelque chose de commun avec l'éveil et la manière qu'a l'homme de s'ouvrir à l'éveil. La question de l'être et le déploiement de cette question présuppose une interprétation du Dasein, c'est-à-dire de l'être de l'homme. Et l'idée qui est au fondement de ma pensée est précisément que l'être ou le pouvoir de la manifestation de l'être a besoin de l'homme, et que, inversement, l'homme n'est homme que dans la mesure où il est dans la manifestation de l'être. Par là devrait être réglée la question de savoir dans quelle mesure je ne m'occupe que de l'être en oubliant l'homme. On ne peut pas poser la question de l'être sans poser celle de l'être de l'homme. Vous écoutez Martin Heidegger sur France Culture, c'était en 1969. L'être a besoin de l'homme, dit-il, autant que l'homme n'est homme que dans la mesure où il est dans la manifestation de l'être. Si on remplit être par éveil, electi lavis, on a ce que vous venez de dire. Oui. C'est troublant. C'est troublant, en effet. Je suis d'accord avec vous. C'est très troublant. Mais je ne peux pas vous en dire, c'est tout à fait troublant. C'est très proche, en effet. Mais bon, on le sait, hein, dans la vie d'Heidegger, il a un rapport réel à l'Orient, Heidegger, même s'il ne l'a pas travaillé, parce que visiblement il avait son propre chemin. Et puis, Mais vous montrez aussi comment les préceptes bouddhistes et même le présupposé philosophique du bouddhisme est très proche, on l'a dit, d'un travail philosophique comme celui de Husserl. Comment le travail phénoménologique de certains philosophes a pu réactiver ou au mettre sens où en scène il est non dualiste. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas non plus si surprenant parce que quand même Heidegger vient après Husserl. Non mais oui, mais on pourrait reposer la question. C'est très surprenant vis-à-vis de Husserl aussi. Vous voyez, il y a aussi une dimension d'époque. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Victor Hugo a eu des haïkus. Vous savez, c'est ses poèmes japonais entre les mains. Il en a fait un commentaire tout à fait niais. Il a dit c'est mignon. C'est quand même Victor Hugo. Hein. Pas spécialiste du haïku, c'est le moins qu'on puisse dire. Les formes longues avaient plus sa faveur. C'est clair. Et quelques bien des années plus tard, Roland Barthes rentre du Japon, il écrit L'Empire des Signes, et il écrit des choses absolument décisives sur la poésie japonaise, et notamment sur cette forme tout à fait particulière qu'est le haïku. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Roland Barthes est beaucoup plus intelligent Un que Victor Hugo? Déjà. Il s'est passé que, exactement, il y a une époque qui est différente, et donc il y a une capacité à entendre qui est différente. Le monde a tourné. Et bah oui, notre monde a tourné. Et je pense qu'on est dans une époque beaucoup plus favorable à comprendre la vérité du bouddhisme, qui n'est ni une philosophie ni une religion. Et vous parlez de vérité. Ah oui, moi je pense, oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a une vérité du bouddhisme. Oui, oui. Bah, sinon, ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Il y a bien quelque chose quand même à se mettre sous la dent. Oui, mais hier, Eric Rommeliard nous disait que justement, c'était plus une anti-vérité, une anti-métaphysique qu'une vérité, que le terme de vérité n'avait aucun sens dans le bouddhisme tant il était fait d'éléments contradictoires, jamais unifiés. Il y a quand même... L'éveil, ça s'appelle quand même Paramartha Satya, et Satya, ça veut dire vérité. Donc, en fait, ça dépend ce que voulait dire Eric Rommeluire, qui cherche souvent, dans ses textes, à casser les idées reçues. Donc, c'est pour ça aussi, il faut voir ça dans sa perspective qui lui est propre. Mais ici, il est tout à fait sensé de dire qu'il y a quelque chose de vrai. Dans ce que dit le bouddhisme, à sa manière. Or, le problème, c'est à sa manière. Bah, de vrai, ou en tout cas, qui nous parle particulièrement aujourd'hui. Ça, c'est très difficile de comprendre pourquoi. Voilà. Et ça, je dirais même, en le comprenant, on ne sera pas plus avancé. C'est un fait. On entend davantage. Et on entend mieux que des années auparavant. Voilà. Et c'est le cas aussi en Chine, puisque vous travaillez, vous vivez en Chine. Est-ce que le regain d'intérêt pour le bouddhisme qu'on peut avoir en Occident, est-ce qu'il a pour corollaire, au contraire, un déclin en Chine ou... Non, c'est très... les études bouddhiques en Chine sont très importantes. Moi, j'ai participé déjà à beaucoup de séminaires et beaucoup de rencontres qui se font dans des conditions baroques. C'est vrai, il y a vraiment beaucoup de moyens, beaucoup de personnes. Donc, c'est vivant, le bouddhisme en Chine. Mais néanmoins, le bouddhisme, c'est chez eux. Enfin, en partie, disons, même en grande partie. Donc, plutôt, la logique qui prévaut à ces réunions est plutôt une logique patrimoniale. Une logique historisante, une logique de constitution d'une identité nationale, par exemple, des choses comme ça. Nous, par exemple, on peut avoir cette perspective-là pour le christianisme, pour déterminer l'identité de l'Europe, par exemple. Bon, le bouddhisme, pour déterminer l'identité de l'Europe, c'est pas du tout notre problème. Dès lors, on s'intéresse à ce qui, philosophiquement, ou à ce qui est au niveau, voilà, peut-être tout à fait pertinent, tout à fait pointu, et qui peut entrer en dialogue avec ce qui nous occupe actuellement. Et du coup, on s'aperçoit qu'en Occident, nous avons des discussions sur le bouddhisme tout à fait passionnantes, et souvent plus passionnantes qu'en Asie, puisqu'on est libre de cette perspective patrimoniale, muséale, muséologique. Bien, espérons que cette série d'émissions engendrera des nombreuses discussions intéressantes et fructueuses pour le bouddhisme. Alexis Lavis, on va se quitter avec une chanson que vous nous aviez suggérée, une chanson qui s'appelle « I Wanna Be Sedated » des Ramones. Oui, c'est une bonne chanson. Dites-nous pourquoi. Parce que le dernier visage de l'éveil dans le bouddhisme, ça va être le bouddhisme tantrique. Ouais. Et il me semble que là, c'est le visage le plus punk du bouddhisme. C'est-à-dire la non-dualité, non pas dans l'harmonie gentille, mais dans l'exaltation des tensions. On l'écoute ? On l'écoute. Merci beaucoup Alexis Lavis d'être venu nous parler du bouddhisme aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages, La conscience à l'épreuve de l'éveil, lecture, commentaire et traduction du Bodhicharya Avatara de Santileva aux éditions du Cerf, Paroles de sage chinois aux éditions du Seuil et enfin L'espace de la pensée chinoise, confucianisme, taoïsme, bouddhisme, c'est aux éditions Oxus. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a 10 ans, Alain Bachung nous quittait. C'était un samedi à Paris des suites d'un cancer. Aujourd'hui, les événements pleuvent pour rendre hommage à celui qui était déjà, bien avant sa disparition, considéré comme l'un des plus grands chanteurs français et comme l'un des derniers. Pastre noir, dandy rock, donneur de rêves, modèle de classe populaire, les adjectifs, métaphores et autres qualificatifs ne manquent pas pour tenter de saisir ce qu'on appelle la singularité de Bachung et de son univers tout autant sonore que visuel. On le dit, il occupe une place à part dans le panthéon de la chanson française. Mais comment définir précisément cette place à part, cette singularité? Que recouvre chez lui ce mot parfois facile justement de singularité et quel sens trouve-t-il à travers ses chansons? D'Alain Bachung, vous connaissez forcément cette chanson, ou alors vous connaissez peut-être celle-ci. Josephine, rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Bachung, ce sont en effet des tubes. Gabi, Osez Joséphine, il y a aussi Vertige de l'amour ou Ma petite entreprise. Mais vous connaissez peut-être aussi des chansons qui paraissent moins évidentes, moins accessibles en tout cas à la première écoute. C'est par exemple le cas de Je me dors, sorti sur son album L'imprudence en 2002. Désormais je me dors à tes rires, je me dors à tes nerfs, à la poussière de météores, à la chaleur humaine. Désormais, je me dors à la crypte des monastères, je me dors à l'ordinaire, à ton bouvet. De roman photo à bleu pétrole, Alain Bachung a tracé une voie que l'on a souvent qualifiée d'accidentée, d'inattendu, dont la destination n'avait rien de connu, n'hésitant pas à passer d'une imagerie pop faite de pizza, de bagnoles et de stations-service à une atmosphère plus conceptuelle où l'imprudence côtoie la Bible. C'est par exemple son interprétation en 2002 avec Chloé Mons du Cantique des Cantiques. On pourrait ainsi embrasser toute l'œuvre du chanteur et la définir comme un chemin, du facile au difficile, de la surface vers les abîmes, comme une voie qui a gagné au fur et à mesure des années en complexité. Mais ça serait beaucoup trop simple, car chez Bachung, dès le début, se dégage une profondeur derrière chaque mot et chaque situation, même les plus ordinaires. Et inversement, chaque concept, même le plus exigeant, prend des atours charnels, sensuels, matériels, presque palpable. S'il y a ainsi un chemin chez lui, c'est plutôt celui du grand écart. En témoigne son parler qui contient la puissance du chant, ses paroles pétries de changements d'échelle et de correspondance entre le mineur et le majeur, en témoigne cette exploration du repli sur soi qui déploie en fait chez lui tout un espace intérieur. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station Bellière, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. En se posant la question de la singularité d'Alain Bachung, on a tout de suite décrit le mouvement et l'échelle de son œuvre. Grand écart, grands espaces, c'est d'ailleurs le titre d'une de ses tournées. Et de fait, en écoutant ses chansons, c'est bien une intimité qu'il nous découvre. Il y a toute une omniprésence du jeu et de ses perceptions, rêvées ou réelles, mais une intimité en mouvement. On a ainsi parlé d'identité brouillée chez lui, morcelée aussi, accidentée comme on l'a dit, et l'on pourrait ainsi parler d'une singularité mouvementée, territorialisée, faite de chemins et de lieux intériorisés. Vercors, Tchernobyl, Ostende ou Rio Grande, faire l'avion, sauter à l'élastique, monter, volute, trapèze, Bachung est un grand voyageur de l'intimité, un être singulier qui n'a cessé de parcourir et de repousser les frontières de l'espace intérieur, de faire donc le grand écart. Je suis né tout seul près de la frontière, celle qui vous faisait si peur hier. Dans mon coin, on faisait pas de marmots, la cigogne faisait tout le boulot. C'est pas facile d'être de nulle part, d'être le bébé fan de Mazar. Hey Gypsy, t'as plus de veine que moi, le blues il sent bon dans ta voix. L'espace intérieur ne fait pas que se parcourir avec Bachung, il s'élargit, il se disloque, il se détend comme du chewing-gum, il se malaxe comme de la pâte, il s'écume, il se dort aussi, il donne le vertige. Dire de quelqu'un qu'il est singulier, c'est dire qu'il est exceptionnel, original, étrange, atypique. Bachung cultivait cet écart, le grand écart donc, mais le grand écart qui fait du surplace, du sursoi. Mets ton papillon noir sur la tête. Nous mettrons en ligne tous les événements en hommage à Alain Bachung pour les 10 ans de sa disparition et puis surtout écouter Alain Bachung et ses chansons. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Mathieu Tarpin qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Anaïs Isbert. Bienvenue à Elsa Le Saulnier qui rejoint l'équipe des Chemins de la Philosophie. Nicolas Berger a réalisé cette semaine. Morgane Danan est à la prise de son aujourd'hui. Georges Clès à la lecture des textes. On se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi. Une émission qui sera spécialement en direct depuis le Salon du Livre de Paris, qui ouvre ses portes à 10h. Et 10h, ça tombe bien, c'est l'heure des Chemins de la Philosophie. Donc on sera là en compagnie de 5 invités. Les 4 premiers, Alexandre Lacroix, directeur de Philosophie Magazine, Sophie Geoffrion, qui se présente comme philosophe praticienne, Olivia Gazalet, auteure et conférencière, Benoît Chantre, éditeur. Ils seront rejoints en deuxième partie d'émission pour le journal de la philo de Géraldine Mossin-Savoie par le youtubeur Cyrus North. Tous réfléchiront à une question, la philosophie se vend-elle bien? Eh bien, pour avoir la réponse, rendez-vous demain en direct et en public, venez nombreux. Depuis le Salon du Livre à 10h donc, et puis vous pourrez aussi bien sûr télécharger, podcaster l'émission ainsi que toutes celles sur le bouddhisme que nous avons proposées cette semaine. Elles sont disponibles en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. À demain 10h donc, précise-nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.